Celui qui bouge, je vais l'allumer, je vais l'allumer. Allumez-moi mon calumet, mon calumet. Toute la cité défoncée, défoncée. Allumez-moi mon calumet, mon calumet. Jalousie, j'hallucine, la résine m'adoucit. Avec elle, trop de soucis. J'casse ma cime et j'oublie. En Gucci, c'est logique. Des valises, les boutiques. Fait divers, les gros titres. Billets verts, j'négocie. Veulent ma vie, eh, on a pris des risques. J'suis sous mou, c'est, on vend même des disques. J'suis pas d'humeur, non, j'crois que j'suis mal luné. Faut que j'm'en allume, ramenez-moi mon calumet. Celui qui bouge, vers la j'compte 100 000 en petite cale. Nouvelle paire pour le petit ref. La cambreur de la brune m'a fusillé. J'pense qu'à mes thunes j'dois l'oublier. Moi sans l'ami j'vais pas m'en tirer. J'marche qu'avec 10 ans d'amitié. À 200 dans le grand virage. J'pense même pas à l'atterrissage. Cet hiver moi change de paysage. Il sait bien qu'on a vu que du sale. J'suis pas d'humeur, j'crois que j'suis mal luné. Faut que j'm'en allume, ramenez-moi mon calumet.